Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Ils partagent la vie des humains depuis plus de 10 000 ans, mais nous sommes loin d'avoir tout compris à leur sujet. Les chats restent des animaux bien énigmatiques. Que se passe-t-il dans la tête de ces petits félins? Comment perçoivent-ils le monde? Comment considèrent-ils leur maître? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec l'éthologue Jessica Serra. Vers 15h45, avec le biologiste Martin Jurfa, nous allons nous intéresser à l'organisation sociale et aux capacités cognitives hors du commun des abeilles. En deuxième heure, nous partirons avec le médecin anthropologue Philippe Charlier à la découverte de rituels pratiqués dans des cultures très différentes, de Madagascar au Pérou en passant par les îles Samoa ou la France. Et en toute fin d'émission, déserts infernaux, montagnes inaccessibles et zones interdites, nous partirons explorer quelques-unes des terres les plus sauvages de la planète en compagnie d'Aude de Tocqueville qui s'est amusée à les répertorier dans un atlas. Voilà pour le plan de vol de cette émission, réalisée par David Le Prince et préparée par Thomas Lehété et Claire Tesser. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. La pyramide à degré de Saqqara, avec tout ce qu'elle représente en elle-même, n'est en fait, comme toutes les autres pyramides, que la partie apparente de ce qu'on pourrait appeler un iceberg de pierre dans l'océan de sable du désert. Et l'on vient justement d'y découvrir une des curiosités de l'archéologie égyptienne, les chats momifiés. Différentes galeries se perdent dans tous les sens, et des centaines, peut-être des milliers de chats momifiés sont entassés là dans leurs sacs de toile. C'était en fait des animaux qui participaient de toute une conception religieuse et on les enterrait plutôt près de leur déesse, la déesse Bastet, qui avait un temple juste là-haut. Finalement, les chats domestiques d'aujourd'hui, eh bien peut-être au fond, ne sont-ils que des dieux déchus. Découverte de momies de chats en Égypte. Nous étions en 1982. Bonjour Jessica Serra. Bonjour. Vous êtes éthologue, spécialiste de la cognition animale et vous venez de publier « Dans la tête d'un chat » aux éditions Humaine Science. Alors cela fait maintenant des millénaires que notre espèce cohabite avec ces petits félins. La preuve avec ces momies de chats découvertes en Égypte dans la pyramide de Saqqara. Que sait-on de la place des chats dans l'Égypte antique? En fait, on parle de l'âge d'or du chat, tellement le chat était adoré par les Égyptiens. Il avait réellement une place unique au sein de la société, puisque c'était un animal d'abord qui était très respecté, qui était représenté par la déesse Bastet, qui était une déesse à tête de chat, qui incarnait la protection du foyer, la maternité. Au-delà de ça, le chat avait une place très très particulière, puisque lorsqu'il mourait, notamment, la famille de ce chat-là marquait le deuil et exprimait ce deuil pendant une période qui pouvait aller jusqu'à 70 jours. Les propriétaires d'ailleurs de ce chat se rasaient même les sourcils. Donc c'est dire que finalement on n'avait pas honte d'aimer cet animal. Mmh. On momifiait, on leur offrait cette vie après la mort parce que justement on pensait qu'ils incarnaient une part de divinité. Alors vous racontez que des ennemis des Égyptiens comme les Perses ont su se servir de l'adoration qu'ils avaient pour les chats de façon assez perfide pour gagner des batailles. C'est le roi Cambyse II qui essayait de conquérir cette part de l'Égypte. Et qui, du coup, eut cette idée incroyable d'attacher des chats au bouclier de ses soldats. Et devant ce spectacle effroyable, les Égyptiens n'ont pu rien faire, en fait, désemparés par l'idée de pouvoir faire du mal à des chats. Et donc, la ville égyptienne tomba aux mains de ce roi pour le moins sauvage. Et l'histoire nous montre qu'effectivement, le statut du chat était tellement particulier à cette époque qu'il a pu même changer le cours de l'histoire de l'humanité. Alors, les momies de chats égyptiennes ont 3600 ans, mais la domestication du chat est plus ancienne encore. Tout à fait. Pendant longtemps, on a cru que les prémices de la domestication dataient de l'Égypte antique parce qu'on avait trouvé tout un tas de vestiges, notamment les momies de chats, mais également des peintures murales de chats. On a eu à la fois des recherches en paléontologie qui nous ont permis de remonter, si vous voulez, un peu le cours du temps, et une découverte majeure qui a changé notre perception du timing de la domestication, qui était la découverte de Jean-Denis Vigne du Muséum d'Histoire naturelle et de son collègue Jean Guilaine, ont découvert une sépulture d'un jeune être humain enterré avec son chat, qui montrait l'existence en tout cas d'un lien entre l'homme et l'animal qui datait d'il y a 9500 ans. Donc en fait, les prémices de la domestication, on les estime à il y a 10 000 ans, ce qui est donc beaucoup plus ancien que les 3500 ans qu'on estimait auparavant. Et qu'est-ce qui a conduit les humains à domestiquer les chats? Est-ce qu'on a une idée en fait du scénario, de la façon dont ça s'est passé? On pense, si vous voulez, qu'à un moment donné, lorsque l'homme est passé de son statut de chasseur-cueilleur à son statut d'agriculteur, donc qui commença à maîtriser l'agriculture. Forcément, il a commencé aussi à entreposer des stocks de grains, notamment, qui ont attiré tout un tas de rongeurs. Hein. Et notamment, parmi ces rongeurs, on avait la souris domestique. Je le précise dans mon ouvrage, qui n'a jamais été domestiquée, hein, qui ne porte pas bien son nom, puisque c'est une souris commensale, en fait. Ouais. Elle ravageait les récoltes. Commensale, ça veut dire, en fait, elle s'invite à notre table. Exactement. Elle mange notre nourriture. Voilà, c'est ça. Elle mange notre nourriture. En contrepartie, l'homme, lui, il n'a pas grand-chose en contrepartie de cela. Et finalement, cette abondance de rongeurs a attiré aussi une abondance de prédateurs. Et parmi ces prédateurs, on avait un petit félin au rythme rapide, qui était redoutable d'un point de vue efficacité et tuerie des rongeurs. Donc un chat sauvage à ce moment-là. Un chat sauvage, tout à fait, qui finalement a tout de suite montré son intérêt auprès des humains en termes d'efficacité, encore une fois, de la chasse de ces rongeurs. Les humains se sont dit, c'est formidable, on a une chasse naturelle de ces rongeurs, donc on va tolérer la présence de ces animaux à proximité de nos habitations. Mais au-delà de la tolérance, il est probable qu'on ait eu une série d'apprivoisements. On sait qu'il est beaucoup plus évident d'apprivoiser des espèces lorsqu'elles sont, dans notre langage, on appelle ça la période sensible, c'est-à-dire entre la naissance et le sevrage. Donc, on pense qu'en fait, on a eu ces peuples qui ont apprivoisé des petits chatons. Et que par des sessions d'apprivoisement plus ou moins bien réussies, on a donné naissance aussi à des êtres, parce qu'après on laissait ces chats-là se reproduire aussi, à des êtres qui avaient des caractères plus dociles pour arriver aux chats domestiques d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on a sélectionné en fait les tempéraments, les caractères de chats qui s'entendaient le mieux avec les humains. Ils ont servi à protéger les récoltes, ils ont aussi empêché que certaines maladies ne se propagent en tuant ces rongeurs qui les transmettaient. Autrement dit, ils ont joué un rôle dans le développement de l'agriculture, dans la mise en place de toute notre civilisation. Exactement, j'ai tenu à souligner ce point parce que à son échelle, le chat a contribué à la naissance de nos civilisations. On peut tout à fait imaginer que sans cette aide-là de la chasse aux rongeurs, le peuple qu'on appelait les Natoufiens, hein, qui incarnait réellement ce statut de premier cultivateur, aurait été finalement vite assailli par ces rongeurs. Les céréales auraient été dévastées et que finalement, sans stock de céréales, on ne tient pas bien longtemps et l'agriculture peut-être n'aurait pas pris son essor de la même manière. Ce scénario de la domestication du chat est-il très différent de celui de la domestication du chien qui est survenu bien plus tôt dans l'histoire, il y a 30 000 ans. C'était plus pour accompagner les chasseurs dans leur chasse. Est-ce que c'est très différent ce qui s'est passé avec le chien? C'est extrêmement différent. Vraiment, les deux processus sont même, je dirais, presque pas comparables, à tel point que certains scientifiques hésitent à utiliser le terme domestication chez le chat, tant le processus de domestication observé chez lui est différent de toutes les autres espèces domestiquées, d'ailleurs pas seulement le chien, mais toutes les autres espèces domestiquées. Parce qu'il garde une grande autonomie dans cette domestication, ou est-ce que c'est que la domestication n'est pas encore complètement aboutie par rapport à celle du chien? Alors, je dirais un peu des deux. L'autonomie, il la garde parce que c'est un animal qui a préservé beaucoup de ses caractéristiques sauvages. D'abord, c'est un animal à qui l'on n'a pas demandé de coopérer directement avec l'homme. Par exemple, quand on a commencé à domestiquer le chien, on attendait lui qu'il coopère très rapidement avec l'être humain et ses facultés de coopération dépendaient de facultés d'attention. Donc finalement, on a vite donné naissance à des races spécialisées dans certaines fonctions qui étaient extrêmement utiles à l'être humain. Donc on pense aux chiens de garde, aux chiens de chasse, etc. Lorsqu'on s'intéresse au chat, finalement, on attendait de lui simplement qu'il fasse ce qu'il savait déjà faire, c'est-à-dire chasser les rongeurs. Donc il n'y avait pas une attente sur la réponse à des ordres et on ne l'a pas sollicité sur ce registre-là. En revanche, la domestication, elle a quand même eu comme impact de modifier considérablement les comportements de nos chats d'aujourd'hui versus les comportements de leurs ancêtres sauvages. Alors après cette domestication, cette déification chez les Égyptiens, ensuite les chats ont été exportés vers l'Europe et au cours de l'histoire, leur image s'est sacrément ternie. Alors complètement, bon, ça a mis un peu de temps quand même, parce que entre temps les Grecs et les Romains les ont quand même appréciés. Les débuts du christianisme, on n'était pas encore sur une attaque frontale les chats, mais en revanche, on va dire au Moyen-Âge, dans les années 1200, on a un pape, Grégoire IX, qui rédigea une bulle pontificale dans laquelle il évoque que le diable lui-même s'incarne dans un chat noir et se livre à des actes sexuels avec une assemblée d'hérétiques. Et à ce moment-là, va s'opérer un tournant majeur dans l'histoire du chat. C'est-à-dire que cette tête qui avait été aimée, parfois juste tolérée, mais en tout cas acceptée au sein des sociétés humaines, va être réellement détestée, méprisée. Mmh. Détestée au point d'être persécutée. Hein. Vous racontez des scènes terribles où les chats sont brûlés vifs, où on les jette du haut de falaises. C'est l'animal à abattre, on l'affuble de tous les maux. Et finalement, vont se mettre en place toute une série de tortures absolument... horrible pour cet animal, comme pour les possesseurs de ces animaux d'ailleurs, hein, parce que tout possesseur de chat noir, par exemple, était immédiatement accusé de sorcellerie et soumis aux pires tortures, et son animal aussi. Alors, on retrouve hein, d'ailleurs ces croyances dans des superstitions actuelles qui ont encore cours sur les chats noirs, où on pense qu'ils portent malheur. Alors, ces persécutions ont duré jusqu'au XVIIe siècle, puis les chats ont reconquis le cœur des humains. Aujourd'hui, rien qu'en France, on compte pas moins de 11 400 000 chats domestiques. Et ces chats continuent d'être assez énigmatiques, même pour ceux qui les côtoient quotidiennement. Écoutez comment l'écrivain académicien Frédéric Vitoux, auteur du dictionnaire Amoureux des chats, s'interroge au sujet de son animal de compagnie. J'ai le chat en face de moi, il me regarde, très bien. Et puis soudain, il regarde derrière moi, où il n'y a rien, rien d'important naturellement. C'est ce qui est formidable, c'est que son regard me transperce comme si je n'étais rien, comme si j'étais transparent. Et d'un seul coup, il est en arrêt à contempler un point invisible, comme s'il y avait derrière moi un extraterrestre, comme s'il y avait une ombre, un fantôme, une absence de la plus redoutable fascination. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui le fascine que moi, je ne vois pas? Et d'un seul coup, le chat, par justement ses perceptions qui sont... pour nous extrasensoriels, mais qui ne sont pour lui sensoriels, sans doute, ou métaphysiques. En tout cas, ce chat nous donne l'illusion d'une sorte de totale vacuité de ce que nous sommes. Quoi. Et le chat nous dit, vous êtes t'es rien, quoi. Enfin, moi je vois des trucs que tu vois pas, je pense à des choses que tu ne penses pas. Et on a l'air comme ça d'un minable, d'une sorte de présence comme ça, argileuse, engluée dans des sensations médiocres, dans des perceptions limitées. C'est assez vertigineux, quand même. L'écrivain Frédéric Vitoux dans Les Nuits Magnétiques de France Culture en 1997. Jessica Serra, il se sent minable devant l'extrasensorialité de son chat. Qu'en pensez-vous? Ben je comprends ce qu'il peut ressentir, ayant moi-même des chats et puis ayant écrit cet ouvrage justement sur les sensorialités du chat. En fait, ce qu'on oublie trop souvent, et même parfois les éthologues, hein, et on essaie de se le rappeler en permanence, c'est que chaque espèce animale a son monde propre. C'est ce qu'on appelle l'umwelt en fait. Donc chaque espèce animale va capter les informations de son environnement à l'aide de ses propres sens. Mmh. Et chez le chat, on est sur une espèce absolument incroyable parce qu'on a des sensorialités qui sont extrêmement sophistiquées. Il évolue dans une dimension presque parallèle à la nôtre. Ah oui. Parce qu'il voit des choses qu'on ne voit pas, il entend des sons qu'on n'entend pas. Et finalement, quand on a du mal à comprendre le comportement de notre matou, c'est aussi parce que ses sens sont différents des nôtres. Alors par exemple, on sait que les chats ne voient pas comme nous. Déjà, ils voient dans l'ultraviolet. Alors en effet, nous, on est incapables de voir la lumière ultraviolette. Et on a découvert qu'ils sont capables de voir ce monde, en fait, invisible à nos yeux. Alors il y a tout un tas d'hypothèses, parce que c'est une découverte assez récente, en fait. Hein, donc on ne sait pas grand-chose encore. Si ce n'est que la lumière ultraviolette, elle est utilisée par beaucoup d'animaux différents. Et qu'elle permet notamment de voir, réellement, hein, les sécrétions biologiques, notamment, qui sont émises. Alors on peut imaginer que chez le chat, ce qui va être pertinent pour lui, c'est de voir les sécrétions biologiques laissées par d'autres congénères, par des rongeurs, par ses proies, pour mieux les tracer, pour mieux les traquer. C'est-à-dire que l'urine se voit, par exemple, dans l'ultraviolet. Donc, exactement. Il faut imaginer que eux, dans un jardin, ils voient des traces d'urine. Voilà, je pense qu'il y a un mélange, en fait, si vous voulez, d'indices olfactifs et visuels. Et ces indices visuels, probablement, se font par cette perception de l'ultraviolet. Et puis, ils ont, dans la peine pénombre, là où nous ne voyons plus rien, ils arrivent à voir les choses que nous voyons. Oui, alors pas. C'est grâce à en fait une petite membrane qui s'appelle le tapetum lucidum, qui est située à l'arrière de leur rétine, qui est fantastique parce que, alors déjà, c'est ce qui ça explique, parce qu'à chaque fois on me dit, mais pourquoi les yeux de mon chat sont phosphorescents dans la nuit? C'est grâce à cette membrane en fait. Et cette membrane, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va capter la lumière de manière beaucoup plus intense. C'est ce qui va permettre au chat, dans l'obscurité, de percevoir un monde de détails. Pas autant qu'à la lumière du jour, mais ils voient très très bien dans l'obscurité. Alors ils ont un odorat aussi très développé, plus développé que le nôtre. En revanche, concernant leur goût, vous dites qu'il n'est pas si fin que ça, le goût du chat. Pourtant, on les associe facilement à des gourmets. Ce n'est pas tant le cas que ça, alors. Oui, parce que leur, ce qu'on appelle les bourgeons gustatifs qui sont situés sur la langue, eh bien, ils en ont très peu, notamment si on le compare à l'être humain. Donc, ils ont une sensibilité gustative qui est finalement assez limitée. Mmh. Ils ont également perdu la saveur sucrée. Ils ne sentent pas le sucre. Non, ils ne sentent pas le sucre. Et ça, c'est quelque chose qui a été perdu, j'imagine, il y a quelques milliers d'années au cours de l'évolution. Tout simplement parce que c'est pas utile pour ce prédateur qu'il est, hein. Il n'a pas besoin de sentir la saveur sucrée. Il sent toutes les autres saveurs, mais pas de manière aussi fine que nous. Mmh. Pourquoi ils sont capables de discriminer aussi bien les aliments? C'est essentiellement sur des indices olfactifs. C'est-à-dire que l'animal va renifler son aliment de manière assez longue s'il ne le connaît pas, par exemple. Et lorsqu'il va le mettre en bouche, alors évidemment, il y a quand même la gustation qui rentre en jeu, mais il va évaluer, il va jauger cet aliment aussi suivant tout un tas d'autres facteurs comme la taille de l'aliment, la facilité de mastication. Et si on a l'impression qu'il est parfois difficile, fin gourmet, que certains plats tout d'un coup ne lui plaisent plus, c'est parce qu'il est capable de sélectionner et d'équilibrer son repas quand il a le choix? Oui, tout à fait. Il y a une étude scientifique là-dessus. Il est capable d'équilibrer très très bien ses choix alimentaires de manière, on va dire, innée. C'est-à-dire un taux de glucides, de lipides, de protéines extrêmement, je parle de coach diététique, il n'en a pas besoin. Ouais. Alors c'est vrai pour la majorité des chats, sauf ceux évidemment qui ont des problèmes de comportement alimentaire et qui sont en surpoids. Attention, pour cela, il va falloir effectivement les limiter dans leur consommation alimentaire. Que savent les scientifiques des capacités cognitives des chats? En quoi l'intelligence des chats diffère-t-elle de celle des chiens? C'est ce que nous allons voir avec vous, Jessica Serra, dans la suite de cette émission. Très bel après-midi à l'écoute de France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Feeling the key. Queen, c'était Cool Cat sur France Inter. Du vent dans les synapses. Mais bon, je vais pas vous faire un cours de druidisme, mais là, c'est une semaine consacrée à l'esprit du chat, voilà. Daniel Fievé. En ouvrant sa porte, l'autre matin, Madame Martinet, qui habite à Tanay, dans la Nièvre, a découvert un chat et elle a immédiatement reconnu Gribouille, un chat qu'elle avait donné à son voisin qui était parti en Allemagne il y a 2 ans. Le chat avait disparu au bout de 3 mois. Il avait tout simplement repris le chemin de sa maison et il lui a fallu 21 mois pour parcourir les 1000 kilomètres qui séparent Stuttgart de Tanay. Dimanche dernier, on a vu arriver un chat dans un piteux état, très très maigre, les yeux et puis le nez plein de pus. Et puis ma foi, il était couché devant ma porte de cuisine. Et aussitôt que j'ai ouvert la porte, il est arrivé. Et puis alors, on a dit, ça doit être Gribouille. Alors au nom de Gribouille, et ben, ma foi, il est venu. Et alors sa mère, ma chatte, elle est allée le sentir. Elle lui a fait des petits bisous sur le nez. Ils se sont reconnus. Il a pleuré quand il nous a revus. Extrait d'un reportage diffusé en 1988 sur France Inter. Notre invitée, la chercheuse en éthologie Jessica Serra, vient de publier « Dans la tête d'un chat » aux éditions Humaine Science. Alors l'histoire que l'on vient d'entendre, hein, ce chat Gribouille qui parcourt 1000 kilomètres pour retrouver la maison de ses propriétaires, elle vous semble exceptionnelle ou vous en connaissez d'autres de ce type, Jessica Serra? On m'en a rapporté beaucoup d'autres en fait. On a beaucoup d'histoires de ce type où on raconte que, par exemple, des propriétaires qui partent en vacances et qui égarent malencontreusement leur animal, vont se mettre à le chercher, à ne pas le trouver, et puis rentrent désespérés chez eux à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, et que ce chat va réapparaître un jour, alors ça peut prendre des semaines, des mois, souvent dans un piteux état, comme le décrit dans le témoignage la dame, ce qui laisse effectivement à penser qu'il n'a pas été ramené par une voiture, parce que ça pourrait être un concours de circonstances, aussi se dire une pure coïncidence, ça peut arriver, mais c'est souvent des chats qui ont les coussinets notamment abîmés, qui montrent qu'ils ont marché, qui sont amaigris, qui sont dans un état physique assez lamentable. Mais alors, qu'est-ce que ça nous dit? Que savent les scientifiques du sens de l'orientation des chats, de leur capacité? Alors, vous savez, j'ai travaillé longuement sur le tracking GPS de chats et j'aurais adoré pouvoir traquer des chats qui, comme ça, s'égarent à des milliers de kilomètres et qui reviennent chez eux. Mais bon, point de vue éthique, oui, c'est ça. Ça se défend pas. Donc, on peut émettre par contre un tas d'hypothèses sur leur capacité d'orientation qui nous paraissent extraordinaire, mais quand on regarde au sein du règne animal les capacités d'orientation des autres animaux, notamment les espèces migratrices hein, qui vont parcourir des milliers de kilomètres, et on se dit mais qu'est-ce qui guide ces espèces-là dans leurs déplacements? Et en réalité, la science s'est intéressée à ces phénomènes très tôt quand même, enfin les éthologues, ils ont regardé un petit peu comment les animaux s'orientaient dans le temps et dans l'espace. En premier lieu, ils ont regardé ce qui se passait chez les oiseaux migrateurs, par exemple, et puis on est allé voir aussi ce qui se passait chez le chat. Alors, chez le chat, pour des distances courtes, c'est-à-dire quand votre chat va faire le tour de votre jardin, puis s'éloigne probablement, même, il y a des chats qui parcourent des dizaines de kilomètres, hein, quand même, dans une journée, on sait qu'il va se créer une carte mentale, une représentation spatiale de son parcours, de son trajet, sur des indices visuels et olfactifs. On sait même qu'il est capable d'enregistrer ses propres déplacements dans sa tête, c'est-à-dire de rejouer un peu les séquences et les trajectoires. Sur des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres, forcément, ça nous interpelle. Et là, j'ai mis une hypothèse qui me semble probable à la vue de tout ce qu'on connaît chez les autres animaux, c'est ce qu'on appelle la magnétoréception. Alors, dit comme ça, on a l'impression donc qu'on est dans les X-Men et que on ne touche plus du tout à la science. Or, la détection du champ magnétique terrestre, c'est quelque chose de très, très commun chez les animaux. Et beaucoup d'animaux orientent leur déplacement grâce à cette détection. Et donc, il est probable que le chat utilise, en plus de ces indices olfactifs et visuels dont on a parlé, le champ magnétique pour s'orienter et éventuellement rentrer jusqu'à chez lui. En tout cas, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, ça n'a pas été démontré à ce jour. Hein. Chez le chat, non. Par contre, on a quelques études, non pas sur les capacités d'orientation, mais chez le chien, qui montrent que le chien, par exemple, est capable de trouver un aimant dans une boîte, donc de détecter le champ magnétique. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'intelligence du chat? Les expériences, vous le dites, sont beaucoup moins nombreuses que pour le cas des chiens, parce que ce sont des animaux beaucoup plus difficiles à tester. Finalement, les tests à mettre en place sont plus compliqués du fait justement de leur autonomie. Qu'est-ce qu'il y a comme différence fondamentale entre l'intelligence d'un chat et celle d'un chien, par exemple ? Alors, je dirais que c'est pas tant des différences d'intelligence, ça va être des différences dans les facultés d'attention. Le chien a des facultés d'attention envers l'être humain qui sont extrêmement développées du fait de sa domestication et du fait de la sélection qu'a opéré l'être humain sur le chien. En ce qui concerne le chat, on n'a pas eu cette sélection pour des facultés d'attention. Donc, effectivement, le chat n'a pas les mêmes facultés d'attention envers l'être humain, ce qui n'en fait pas un être cognitivement moins bon. Ouais. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire de ne jamais comparer l'intelligence des animaux au sein du règne animal, parce qu'on n'est pas là sur une échelle de gradation où finalement on aurait un animal plus intelligent qu'un autre, et bien de se dire que l'intelligence, elle est plurielle. L'évolution a permis d'emprunter des canaux très différents et l'intelligence se manifeste sous différentes formes. Et si vous voulez, sur un champ cognitif, vous allez avoir le chien qui est très intelligent, le chat qui paraît ne pas bien performer, mais sur une autre sphère cognitive, c'est l'inverse qui va se produire. Et ne pas perdre de vue aussi, vous le dites, que ce sont les humains qui mettent au point les tests d'intelligence, souvent en comparant l'intelligence du reste du règne animal à la leur. Donc on est un peu jugé parti dans cette histoire. C'est facile de bien répondre à des tests qu'on a nous-mêmes inventés. Tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, quand j'ai commencé à étudier l'éthologie, c'est un des premiers enseignements qu'on nous donne, éviter à tout prix l'anthropomorphisme, prêter des intentions humaines aux animaux. C'est un enseignement que je garde en tête, même s'il ne faut pas tomber dans les travers de France Deval parle très bien de l'anthropodénie, c'est-à-dire nier aussi l'existence, par exemple, d'émotions chez l'animal. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Mais surtout, l'éthologue se doit d'ajuster ses tests comportementaux en fonction de l'espèce qu'il a en face de lui. On a trop tendance à se dire, voilà, j'ai trouvé un test qui fonctionne super bien avec 3-4 espèces. Chez celle-ci, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est qu'il n'est pas capable. Alors que parfois, c'est tout simplement le test qui n'est pas adéquate à l'espèce que l'on étudie. Les chats ont-ils conscience d'eux-mêmes ? C'est une question qui occupe les scientifiques. C'est toujours difficile de tester ce genre de questionnement. Alors la conscience de soi, ça a vraiment occupé de tout temps les éthologues parce que c'était une question phare il y a quelques temps encore. Il y a un test qui est très célèbre, qui a été utilisé, qui est le test du miroir, où l'on a montré qu'effectivement les grands primates, les dauphins, les éléphants, les raimentas, on a même les cochons qui réussissent très très bien ce test du miroir, qui consiste à dire que si l'animal est capable de reconnaître son reflet dans un miroir, c'est qu'il a une conscience de lui-même, c'est qu'il a une individualité, donc qu'il sait qu'il existe. Et souvent, on lui met une petite marque sur la gueule, et du coup, s'il essaye de l'enlever, c'est qu'il a compris. Ces tests-là étaient designés de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on anesthésiait, par exemple, un chimpanzé, on lui mettait une marque de peinture rouge, alors je dis « on », je ne faisais pas partie de ces expériences-là, on réveillait l'animal, on le positionnait devant le miroir et on voyait tout de suite l'animal interloqué par cette tache de peinture qui cherchait immédiatement à l'enlever. Et là, on se disait, il reconnaît son reflet, il sait que c'est lui, donc il a une conscience de lui-même. Et quand on a fait passer ce test du miroir au chat, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Les tests n'étaient pas concluants. Maintenant, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le chat, contrairement par exemple aux primates, est une espèce qui voit très très bien, mais qui, lorsqu'il identifie des congénères, par exemple, va d'abord se baser sur des indices olfactifs et non des indices visuels. Donc, on peut imaginer que le chat, en termes de reconnaissance de soi et reconnaissance des autres, il va tout de suite utiliser cette sensorialité olfactive en premier lieu, et que le test du miroir est probablement pas le test le plus adapté. Et au-delà de ça, on sait aujourd'hui que le chat, s'il peut être familiarisé à un miroir suffisamment longtemps, ne va plus du tout se mettre à attaquer le miroir, etc. Tendrait à prouver qu'il reconnaît lui aussi son reflet dans le miroir. Il y a eu un autre exemple que vous donnez, qui n'est pas une recherche scientifique, mais qui va dans le sens, effectivement, d'une reconnaissance visuelle. Ça a été fait avec un téléphone portable. Donc, pour décrire la scène, c'est un chat qui est sur les genoux de son maître. Il regarde leur propre image dans un écran de téléphone portable qui applique un filtre, donc il colle artificiellement sur la tête de son maître des oreilles et un peu des traits de chat. Et on voit la réaction du chat qui manifestement est perturbé par ce qui se passe. Oui, c'est tout à fait ça. C'est que, c'est une vidéo à visée humoristique. Il y a sur Internet, comme quoi les éthologues trouvent des sources d'observation un peu de partout. Mais celle-ci m'a particulièrement interpellée parce que lorsqu'on la regarde, cette vidéo, effectivement, on sourit en voyant ces chats complètement interloqués par ce qui se passe. Mais elle signifie plusieurs choses, cette vidéo. Elle signifie déjà que quand le chat se regarde dans le smartphone de son propriétaire, propriétaire. Finalement, il n'a pas beaucoup de réactions parce qu'il voit sa propre image. C'est certainement d'ailleurs des chats qui ont été familiarisés à leur propre image. Hein. Et puis ensuite, le visage humain, en plus c'est très très réaliste, hein. Je ne sais pas si vous les connaissez bien ces applications, mais c'est vraiment très réaliste, le visage se métamorphose en chat. Et on voit ces chats qui sont complètement stupéfaits. Il y en a qui partent en courant, d'autres qui font des yeux sans pour autant être anthropomorphiques. Mais encore une fois, on voit un étonnement énorme chez cet animal. Et ça signifie quoi? Ça signifie que l'animal a compris qu'il y avait une discordance entre le reflet de son maître dans le miroir et ce qu'il était en train d'entrevoir. Donc non seulement il reconnaît son propre reflet, mais probablement le reflet de son maître aussi. Ah, le lien des chats avec leur maître, il est intéressant. Comment les chats considèrent-ils leur maître, ou en tout cas l'humain qui s'est occupé d'eux? Alors ce qu'on sait déjà, parce qu'il y a tout un tas de croyances populaires sur le chat, et également le chat est décrit comme un être très indépendant, solitaire, beaucoup de propriétaires doutent d'un réel attachement du chat envers son maître. Or, on a des expériences scientifiques, dont une extrêmement récente menée par une chercheuse américaine, qui montre que le chat est réellement attaché à son maître. Alors, tous ne sont pas de la même manière, hein. Le degré d'attachement varie probablement en fonction de la relation, mais on peut plus douter de cet attachement réel qui caractérise la relation homme-animal. Dans le cas de nos matous, on a beaucoup de choses, j'ai vu, qui ont circulé dans la presse. Oui. Ah, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, la presse s'est fait l'écho, mais en déformant largement une publication scientifique, en présentant les chats comme des sortes de psychopathes qui n'avaient qu'une envie, c'était de prendre le dessus, de dominer, voire de tuer leur propriétaire. Et vous revenez sur cette étude en disant qu'elle ne disait pas ça du tout. Oui, alors c'est marrant comme parfois la presse peut transformer... En fait, c'est une étude qui était sur la personnalité des chats, justement. En plus, personnalité évaluée par des êtres humains, en fait. Donc, les êtres humains évaluaient la personnalité de plusieurs espèces animales. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les traits dominants de la personnalité, en fait, sont similaires entre le lion et le chat. Ça signifie aucunement, si vous voulez, que le chat est un lion, en aucune façon, mais simplement qu'il y a des grands traits comme ça qui se dessinent. Et puis, finalement, ça nous paraît assez logique au vu de leur évolution, en fait, hein, de leur lien avec les autres félins. Pour revenir à la question de comment nous considère-t-il, là encore, certains entrevoient, parlent du fait que l'être humain pourrait être une mère pour le chat. Alors c'est vrai que d'un point de vue affectif, j'en parle longuement dans mon livre, les caractéristiques juvéniles que présentent nos chats domestiques aujourd'hui, à savoir le ronronnement, le pétrissage, vous savez quand votre chat vous pétrit avec le ventre ou les jambes avec ses pattes, le miaulement, tout ça ce sont des comportements juvéniles exprimés à l'âge adulte qui n'existent pas chez le chat adulte sauvage. Donc qui sont vraiment des caractéristiques du chat d'aujourd'hui et ils sont un mode de communication envers l'être humain et souvent qui vont permettre de mettre en place ce lien d'attachement. La manière dont le chat nous perçoit, je pense que alors elle est très différente de la manière dont le chien nous perçoit. Déjà, le chien, si vous voulez, l'être humain est pour lui le centre de son univers. Tout gravite autour de l'être humain. C'est pour ça qu'on parle de la fidélité mythique du chien. Alors que le chat va pouvoir être profondément rattaché à son maître, mais il l'intègre dans sa sphère sociale. Et pour autant, il ne le considère pas comme un autre chat, parce que j'ai lu ça aussi, finalement, il nous considérait comme un gros chat débile, ça vous le verrez dans toute la presse. Alors débile... Peut-être, mais pas un chat. Voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y a des difficultés de compréhension. Parfois, le chat doit se dire, mais pourquoi il comprend pas ça? Alors, il doit pas se le dire en ces termes-là. Mais le chat attend effectivement de son être humain qu'il le comprenne, et c'est pas toujours le cas. Et effectivement, cette relation qui est en train de se nouer, je pense qu'il est capable tout à fait de catégoriser que l'homme n'est pas un chat. Donc il nous traite dans une catégorie à part, mais il est capable de s'attacher à nous aussi. Merci Jessica Serra. Je rappelle le titre de votre ouvrage pour en savoir plus, Dans la tête d'un chat, aux éditions Humaine Science. Un grand merci à vous. Merci à vous aussi. Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore des détours et voir passer encore des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi. Chez moi le soleil est de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous ensemble à la maison? Nous avons le poussière et le parfum fané des amours passagères qui m'ont rendu la solitude plus légère. À l'aube de mes nuits blanches et solitaires. Et toi, mon bel amour, dis-moi s'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aident à supporter l'hiver après l'automne et les silences obstinés du téléphone. Nous nous raconterons nos triomphes, nos fêtes. Mais comment s'avouer toute nos défaites, l'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous guette et s'accroche à chaque pensée, à chaque geste. Je sais que tu seras au bout de mes voyages. Je sais que tu viendras malgré tous les détours. Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé. À notre image. C'était La Ligne Droite, Kerenan et Étienne Daou. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Et on va s'approcher de la ruche. Et on enfume légèrement pour calmer les abeilles. Et on s'aperçoit délicatement et bien que c'est rempli d'abeilles. Il y a des nids à faux bourdons, c'est-à-dire que c'est une colonie apparemment qui n'est pas malade. Il y a du pollen, il y a du miel. Pas de cellules royales à l'horizon, donc c'est pas une ruche qui a la prétention d'essaimer. Essaimer, c'est dire que la ruche est trop complète, quand il y a trop d'habitants. Et bien d'elle-même, elle décide de se partager en deux, d'où l'essaimage. Bonjour Martin Jurfa. Bonjour. Vous êtes biologiste au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Et vous êtes l'un des co-auteurs de l'ouvrage « Abeille, une histoire intime avec l'humanité », une coédition CNRS Cherche Midi. Vous avez rédigé les chapitres plus particulièrement sur l'intelligence et l'organisation sociale des abeilles dans cet ouvrage. Alors nous étions là à l'instant, dans le Gers, avec Patrick Simon, un apiculteur, qui nous donnait un premier aperçu de l'organisation d'une ruche en bonne santé. Dans la ruche, comment se répartissent les rôles, Martin Jurfa? Tout d'abord, je dirais que ces deux chapitres dont vous parlez ont été rédigés avec d'autres collègues du CNRS et de l'INRA qui ont contribué énormément à cette rédaction. Donc, par rapport à l'organisation de la vie sociale dans une ruche, il faut savoir qu'une ruche en bon état peut avoir 50 000 individus, voire plus. Et il y a une reine, à l'origine, qui est le seul individu fertile, qui va donc pondre des œufs et assurer donc la présence du couvain et de nouvelles générations. Nous avons par ailleurs des abeilles ouvrières. Ces ouvrières-là, donc, peuvent assumer différents rôles, et ces rôles se répartissent selon l'âge. Donc les plus jeunes abeilles restent dans la ruche, autour de la reine, et s'occupent du couvain, par exemple, ou de la reine elle-même. Quand on devient plus âgé, on passe vers l'extérieur et on reste à l'entrée de la ruche et on devient gardien et on défend la colonie. Et quand on devient encore plus âgé, on va vers le monde extérieur butiner. L'organisation sociale de la ruche est absolument fascinante. Ces abeilles vivent en groupe de plusieurs milliers d'individus. Elles collaborent pour la survie de la colonie. Et vous dites dans votre ouvrage, Martin Gurfa, que l'organisation sociale des abeilles représente probablement l'un des systèmes de société les plus complexes du règne animal. Absolument. On peut effectivement énoncer ceci dans la mesure où il y a des mécanismes de communication extrêmement sophistiqués qu'on ne trouve pas par ailleurs. Mmh. Logiquement, il y a des mécanismes de communication olfactive qu'on trouve dans beaucoup d'espèces, voire donc des phéromones. Donc les phéromones sont des substances chimiques que beaucoup d'espèces animales libèrent dans la nature et qui agissent comme des signaux spécifiques avec un message donné. Territorialité, défense, agression, tout ceci peut être véhiculé par des odeurs que les animaux libèrent et qui sont des messages spécifiques pour des membres de leur propre espèce. Ceci, logiquement, existe et c'est très élaboré chez les abeilles. Mais les abeilles ont par ailleurs, par exemple, une danse qu'on ne trouve pas par ailleurs. C'est-à-dire, des mouvements stéréotypés qu'elles font au sein de la ruche. Ça représente une sorte de forme de 8 sur les parois verticales de la ruche et dans le noir. Et cette danse-là, par ses caractéristiques, par sa forme, par son intensité, a la capacité d'informer à d'autres abeilles qui suivent cette danse, donc qui lisent cette danse, la distance et la direction des sources alimentaires qu'il faut exploiter. Alors cette danse n'a absolument rien d'anecdotique, hein, puisque le physiologiste Carl von Fritsch a obtenu en 1973 le prix Nobel de physiologie et de médecine parce qu'il avait décrypté cette danse de communication des abeilles. D'ailleurs, justement, le comité Nobel lui octroie le prix et affirme pour le décodage du premier langage non humain connu. Oui. C'est vraiment un langage? Strictement parlant, ce n'est pas un langage. Un collègue linguiste, évidemment, rejetterait cette idée puisqu'il n'y a pas, par exemple, des phrases avec une structure grammaticale, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe, etc. C'est ce qu'on appelle un langage iconique, comme par exemple pointer du doigt et indiquer vers où on va. C'est l'équivalent de ceci, c'est-à-dire les abeilles sont en train de pointer du doigt, mais il y a un peu plus que ça parce que non seulement on pointe du doigt et on donne les repères de direction à suivre, mais on dit aussi la distance à suivre. Mais évidemment, ce n'est pas un langage strictement parlé. Mais alors comment elles donnent la distance en dansant, les abeilles? Par un code très précis de l'intensité de cette danse. Vous savez, l'abeille peut danser, peut faire la figure du 8, qui est typique de cette danse-là, plus ou moins rapidement. Et logiquement, parce qu'il y a une logique biologique dans tout ceci, quand elle vient de sources alimentaires qui sont très éloignées et qui impliquent donc de consommer beaucoup d'énergie et de temps pour y aller, elle va danser plus lentement. Donc elle n'est pas si motivée que ça. Bon, il y a quelque chose qui est profitable, mais bon, donc on danse un petit peu plus lentement. Quand au contraire, on vient d'une source alimentaire qui est très proche, qui demande très peu d'efforts pour y aller, on va danser extrêmement vite, très rapidement, on va moduler l'intensité et on va dire donc aux autres, c'est prêt par cette intensité de la danse. Or, ce qui est important là, c'est que c'est un véritable code. Chaque abeille va suivre le même code d'intensité pour indiquer une distance donnée. Sinon, si ça changerait, ça ne permettrait pas de communiquer. Et donc ces danses servent à communiquer au reste de la ruche les sources de nourriture, l'endroit où elles se trouvent. Exactement. Donc c'est un code véritable qui est partagé par toutes les abeilles de l'espèce, non seulement d'une ruche, hein, et qui donc permet d'indiquer distance et direction de la source à exploiter. Elles sont innées ou elles sont apprises, ces danses? Elles sont innées. Ceci n'exclut pas que dans le contexte des danses, il y ait de l'apprentissage. Oui, il y a une part d'apprentissage puisque vous racontez dans votre ouvrage une expérience étonnante où l'on a pris deux espèces d'abeilles différentes qui avaient une danse légèrement différente. On les a regroupées. Tout à fait. Et elles ont trouvé une sorte de terrain d'entente, de danse intermédiaire pour que les deux communautés d'abeilles puissent communiquer entre elles. C'est fascinant. Exactement. C'est justement une expérience qui est faite en Chine, dans l'institut où j'ai la chance aussi de travailler, puisque je suis professeur invité à l'université de Fuzhou, à Fujian University. Et donc, effectivement, ils ont essayé de faire coexister dans une même colonie des abeilles européennes et des abeilles chinoises. Et effectivement, elles ont toutes les deux la danse. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'évolution a fait que le code X veut dire une distance pour l'abeille européenne, alors que ce même code pour l'abeille chinoise indique une autre distance. Donc, a priori, quand elles se lisent réciproquement, et ça devrait induire à erreur. Et ce qui est le cas dans un premier temps. Mais à force de coexister, les abeilles chinoises arrivent à s'adapter plus rapidement vers le code des Européens. Elles arrivent et elles corrigent leurs erreurs. Les Européennes ont un petit peu plus de mal, mais elles vont arriver quand même. Mais les Chinois sont beaucoup plus rapides. Alors, il y a aussi des mécanismes pour prendre des décisions collectivement. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est une démocratie. Elles peuvent voter et la majorité l'emporte. Comment ça se passe exactement? Il y a, si vous voulez, le principe du quorum qui va exister dans ceci. Imaginez par exemple que vous venez d'une source alimentaire qui est extrêmement positive, extrêmement attirante. Vous allez danser avec une grande intensité. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient d'une autre source. Il est convaincu qu'elle est bonne, mais cette abeille va déterminer son intensité en fonction de son vécu. Elle ne va pas tricher, elle ne va pas mentir. Donc, il y aura plusieurs danses de différentes abeilles dans la colonie qui vont être en compétition, mais en fonction de leur intensité, les abeilles, donc effectivement, vont décider collectivement où aller. Ils vont comparer les intensités de ces danses, puisque les intensités sont une lecture possible de la qualité de ces différentes sources alimentaires. Il y a un quorum qui va émerger et qui va dire où on va. Bienvenue chez Mielex. En bonnes petites abeilles que vous avez travaillé dur. La fabrication du miel débute lorsque nos vaillants Apollons du pollen rapportent le nectar à la ruche, où notre formule secrète sera automatiquement corrigée au fur et à mesure du processus de fabrication, tant au niveau de la couleur que des bulles d'air, jusqu'à obtention de ce succulent sirop au reflet d'or liquide connu sous le nom de... Miel! Et vous serez heureux d'apprendre que depuis 27 millions d'années que notre espèce existe, aucune abeille n'a pris un seul jour de vacances. Ouh! Mais vous croyez pas que vous allez nous tuer à la tâche? On va essayer en tout cas. Cet animal a une image très positive dans l'imaginaire des humains. Ça se vérifie dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures. Parce qu'effectivement, l'abeille est considérée comme un élément de travail, comme une culture de travail. Effectivement, l'abeille butine et surtout, c'est un travail qui n'est pas individuel, mais c'est un travail pour la société. Je pense que ces aspects-là sont extrêmement importants pour avoir cette image d'exemple. Ce qui est intéressant, c'est que l'abeille est devenue un modèle, comme on dit en science, c'est-à-dire un objet d'étude en soi, pour comprendre beaucoup de questions ou répondre à beaucoup de questions dans différentes disciplines. Mmh. Que ce soit au niveau de l'environnement, par exemple au niveau d'écotoxicologie, pratiques agricoles, etc. Ou que ce soit par exemple en neurosciences pures et dures, où par exemple on va exploiter leur capacité d'apprendre et mémoriser pour comprendre comment s'organise cette capacité d'apprentissage au niveau du cerveau. Mmh. C'est vrai qu'elles ont une capacité à apprendre assez phénoménale, notamment leur système de navigation, la façon dont elles s'orientent dans l'espace. Absolument, elles sont fabuleuses et surtout qu'il y a cette caractéristique assez unique par rapport à beaucoup d'insectes, c'est que l'abeille doit constamment, contrairement à d'autres insectes, revenir à une place fixe dans l'espace, qui est la ruche. Donc elle doit faire plusieurs kilomètres, il faut imaginer ce que ceci représente pour la taille d'une petite abeille, et ne pas se perdre et revenir toujours à la ruche. Alors comment font-elles ? Donc elles ont plusieurs types de boussoles qu'elles utilisent. Il y a évidemment des boussoles solaires, donc elles se repèrent par rapport à la position du soleil. Elles ont aussi des marques de terrain, des repères particuliers qu'elles vont mémoriser. Elles peuvent aussi utiliser la lumière polarisée qui se trouve dans le ciel, invisible à nos yeux, mais visible pour leur système visuel. C'est-à-dire que si le soleil est masqué par les nuages, elles ont encore la possibilité d'estimer la position du soleil grâce à la polarisation de la lumière. Puisque cette polarisation de la lumière est relative à la position du soleil. Oui. Exactement. Alors, on est déjà assez impressionné par ses capacités cognitives pour ce petit insecte, mais on n'est pas au bout de nos surprises, puisque les chercheurs sont allés beaucoup plus loin et ils se sont rendus compte que ces abeilles étaient capables de conceptualiser, de réaliser certaines opérations mathématiques, de se faire une représentation de ce qu'était le zéro. Enfin, il y a de nombreuses expériences qui sont absolument bluffantes. Absolument, parce que ce dont on a parlé, c'est des apprentissages qu'on pourrait traiter de simples. Apprendre que telle couleur est associée à une récompense, qu'une autre ne l'est pas, que par exemple une odeur est positive, une autre est négative, ça reste des associations, des liens simples entre un objet et sa conséquence. Ce dont vous parlez, c'est des apprentissages de haut niveau qui, jusqu'à peu de temps, étaient considérés comme une prérogative de l'homme et des primates. Donc, c'est des travaux qu'on a fait nous-mêmes. Donc, on a démarré vers la fin des années 90 avec ce genre de questionnement qui était « Est-ce que les abeilles sont capables de traitements cognitifs de haut niveau ?» Et effectivement, on a démontré, et c'était une des premières démonstrations, qu'elles étaient capables de maîtriser des concepts, c'est-à-dire des règles, résoudre des problèmes en fonction de règles, comme par exemple « Peu importe ce que je vais te montrer, je vais changer tout le temps les objets que je te montre et par la suite, je vais te donner un choix. Et il faut que tu comprennes que ce n'est pas la couleur, que ce n'est pas l'odeur, que ce n'est pas la forme d'objet, mais que tu dois toujours choisir l'objet que j'ai montré précédemment, même s'il est en train de changer tout le temps. Ah oui, c'est des règles complexes et on n'est même pas sûr que nous-mêmes, on aurait compris la règle d'ailleurs, du jeu. D'ailleurs, une question typique, c'est à partir de quel âge un enfant peut arriver à maîtriser cette règle-là. Ouais. Et donc, elle maîtrise cette règle-là. Quand on a montré ceci, ce qui a été un changement de paradigme par rapport à comment on considère un insecte et ses capacités cognitives, on est parti vers des explorations plus poussées, d'autres types de concepts. Et effectivement, une de mes collègues, Aurora Vargas, notamment avec un collègue australien, un grand ami, Adrian Dyer, se sont aussi lancés dans l'exploration des concepts numériques, c'est ce dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'elles sont capables de faire des opérations mathématiques ? Exactement. Donc, à partir d'utiliser ce type de règles, c'est-à-dire ou ce type de principe expérimental, ils ont pu montrer que les abeilles pouvaient choisir en fonction de faire toujours plus 1 ou moins 1, par exemple, pour arriver à obtenir une récompense alimentaire. Mmh. Ici, par exemple, on présentait une image avec 3 ou 4 objets. Ça varie tout le temps. ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être quatre. Et par la suite, on présente deux autres objets. Et comme les images changent tout le temps et les nombres changent tout le temps, on arrive à montrer que peu importe le nom, l'opération se fait systématiquement pour faire l'accès ou pour obtenir l'accès à la récompense alimentaire. Qu'est-ce qu'on sait du cerveau des abeilles? Parce que de telles prouesses laissent quand même songeur. L'animal est tout petit, son cerveau fait moins d'un millimètre cube. Comment fonctionne-t-il pour... C'est là où la question devient intéressante, non seulement pour le neuroscientifique, qui va se dire quel est le nombre minimum de neurones, par exemple, pour assurer une telle tâche. Parce que vous avez dit petit cerveau, effectivement, il y a moins d'un million de neurones là-dedans. Spécifiquement, 950 000 à peu près. Chez nous, il y a 100 milliards de neurones. Il faut se rendre compte de la différence. Hein. 100 milliards contre moins d'un million. Et pourtant, elles arrivent à faire ceci. Je disais tout à l'heure, on croyait que ces traitements étaient une prérogative des primates, de l'homme. Il faut changer cette opinion. Il faut donc comprendre qu'il n'y a pas besoin d'un cortex préfrontal dans le cerveau humain pour faire ceci. Et donc, quels sont les circuits alors qui sous-tendent ces capacités dans un petit cerveau? C'est un grand pari à répondre. Mmh. Mais il y a une perspective différente par rapport aussi à quelle est notre position dans la nature par rapport aux tâches cognitives. Mmh. Sommes-nous finalement si supérieurs par rapport au moins à ces tâches-là? Certainement non. Et dans votre livre, vous allez même encore plus loin, puisque vous vous posez la question, les abeilles sont-elles dotées d'une conscience? La question se pose vraiment aujourd'hui? La question se pose certainement, et disons-le aussi clairement, non seulement pour l'abeille, mais pour la plupart des espèces animales. Bon, effectivement, c'est peut-être plus frappant de la poser pour un insecte, mais c'est une problématique très, très actuelle. Donc, il y a des expériences qui sont faites, qui essayent de montrer, au vu de ces capacités cognitives fabuleuses qu'on a montrées, est-ce que l'abeille a conscience de soi? Ouais. Et effectivement, à l'heure actuelle, on recherche, on a des tests spécifiques en psychologie cognitive, où un animal va répondre comme ci ou comme ça, qui permettent plus ou moins d'avoir un abord et de commencer à répondre à cette question-là. En l'occurrence, pour une abeille? En l'occurrence, par exemple, ce qu'on appelle la métacognition. Ouais. La métacognition, c'est par exemple, si je vous pose la question suivante. Quelle est la probabilité que vous me disiez le résultat du match de la Coupe du Monde finale, hein, Coupe du Monde 1978 entre l'Argentine et Hollande? La probabilité est assez nulle parce que je suis pas très féru en foot. Mais là, vous avez fait de la métacognition, c'est-à-dire vous avez évalué, okay, votre niveau de connaissance et vous avez rendu cette perception de votre connaissance. Un animal peut faire ceci si on lui pose un problème, soit facile, soit difficile, et on lui laisse la possibilité de quitter si le choix est difficile, si la situation est difficile. Et donc, quelle question on pose à l'abeille? Parce que pour les résultats de match de foot, a priori... Par exemple, on peut lui poser un problème conceptuel comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, en rendant, par exemple, les images très difficiles à discriminer, et à ce moment-là, on lui dit « tu peux y aller » ou « tu peux quitter » et ne pas faire le choix. Comme ça, tu ne seras pas pénalisé. Et les abeilles décident, dans des situations particulièrement difficiles, de quitter la situation de choix. Ce qui voudrait dire, c'est que quelque part, elles sont capables de faire ce que vous avez fait. Évaluer leurs connaissances et décider de quitter le choix puisqu'elles ne sont pas sûres. J'ai peut-être le QI d'une abeille, finalement. Sait-on jamais. Ce qui n'est pas mauvais. Là, je serais plutôt flatté avec tout ce que vous nous avez raconté. Merci, Martin Jurfa. Je rappelle le titre de votre ouvrage auquel vous avez participé. Il y a beaucoup de co-auteurs. Il a été rédigé sous la direction de Martine Régert avec une préface de notre ami Jean-Claude Amezen, publié chez CNRS Éditions et Cherche Midi, Abeille, une histoire intime avec l'humanité. Un grand merci à vous. Un grand merci à vous. En deuxième heure, nous allons partir à la découverte de rituels pratiqués dans des cultures très différentes sur les 5 continents avec le médecin anthropologue Philippe Charlier. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue, everybody needs some love and so do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue, get out of your closet and put on your purple shoes. There was this girl that I once knew, let's just say her name was Rosie, Rosie Blue. Rosie was pretty, although she barely smiled. Her eyes seemed dark and I always wondered. Rosie never spoke much about her home. She said she loved poetry, she'd even write her own. I met Rosie in Morocco, Agadir, and how I wish that Rosie was still here. Then I would say, Rosie, Rosie, don't be so sad. Rosie, don't you know life ain't all that bad. Everybody needs some love, and so do you. Hey, Rosie, Rosie, Rosie Blue, get out of your closet.